Knocking dust. une basse. Basse. J'aimerais bien une basse. Alors, on va mettre un. C'était dans quoi ça? C'est quoi ça? N2SRS09. Comment on peut savoir ce que c'est, je me sens?